Édition de décembre 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Retour sur mes activités de novembre. Les deux derniers jours d'octobre et pendant tout novembre, j'ai encore passé pas mal de temps dans le projet de radio web régionale et communautaire appelé Radio Haut-Saint-François. Si vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai bricolé un site web pour la radio à site.google.com/site/radio-saint-françois/home. Le 30 octobre, j'enregistrais et montais l'émission de novembre du podcast. Puis, je réalisais la pochette. Le lendemain, j'effectuais une dernière révision de la chose, sortais le fichier MP3 que je taguais. Je mettais cette émission en ligne le 3 novembre. Du 31 octobre au 4 novembre, je complétais ma révision-correction du roman de science-fiction de Mario Fecteau. Je montais la page 8 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est le 5 novembre. Le lendemain, je mettais en ligne les résumés Perry Rodden pour les fascicules 100 à 109. Puis, j'éditais et montais la 12e partie des Relations des Jésuites. Spencer tente d'envoyer un SOS, mais il en est empêché par Valmons. Avec sa femme, il prend la fuite dans la forêt. Lara, Amat Palong, analyse les graines et découvre qu'il ne s'agit pas d'opium. Pinsir et sa femme sont recueillis par les indigènes de la planète, des hommes oiseaux, qu'ils amadouent en leur offrant des cigarettes. Tandis que les terriens s'entretiennent avec le dénommé Schnitz, des francs-passeurs s'approchent. Le 7, je travaillais sur un projet de site web pour les éditions de l'avenir. On peut trouver ce projet à site.google.com/site/édition-de-l'avenir-QC. Par la suite, j'entamais la rédaction de l'épisode double 22-23 du PC Show que je poursuivais le lendemain et le 21 novembre. Il me reste encore au moins une scène pour terminer. Le 12 novembre, ayant reçu les prises de mes comparses, je commençais à travailler sur l'épisode 18 du PC Show. Choisir les prises de Carole et Gabriel et enregistrer les miennes. Le lendemain, je choisissais mes meilleures prises et commençais le montage. Le travail se poursuivait le 19. Le 24, j'effectuais une première révision. Au moins une autre sera nécessaire avant que je sois pleinement satisfait du résultat. Le 12 novembre, j'effectuais la révision numéro 2 de la version e-book de Prisonnier des Gris, la deuxième aventure de Carl Inouye. Le 13, je mettais en ligne la version audio de la page 6 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est. La population actuelle est de 600 âmes et le flot grandit toujours grâce aux avantages variés qu'on y trouve. On est à construire une jolie grande chapelle et, à l'automne, il y aura un curé résident. Actuellement, la mission est desservie par M. l'abbé Dubé de Garbé. Il y a deux scieries assez considérables. Celle de M. A.S. Ménard, autrement dit l'ami Sorel, qui reçoit si bien et si cordialement, ainsi que son aimable famille. J'effectuais la première étape de la mise en ligne de l'émission hors-série Histoire 3 du podcast le 14 novembre. Suite du processus le 16 et conclusion le 17. Le 15 novembre, ma conjointe et moi nous rendions à la boîte à cadeaux de Dodwell, où je réalisais deux interventions audio pour Radio Haut-Saint-François. Intervention que l'on peut trouver sur le site web de la radio. Je travaillais le 16 sur cette émission 6 du podcast

la cuisse courte tendant l'étoffe de la culotte. Lorsque le tour de l'avocat de la défense arriva, il examina son témoin avec méfiance. Celui-ci lui rendit sa politesse de la même manière. « Vous êtes bien Baptiste Courtemanche ?»« Ouais. »« Savez-vous lire ?»« Non. » Les oui et les non se succédèrent ainsi pendant plusieurs minutes. Enfin, Olaus, avec le plus grand sang-froid possible, lui dit « Racontez à la cour ce que vous connaissez de la nouvelle route. » Je m'attelais à cheval violent sur mon barlonneux et je m'en allais à Rawdon tout seul dans ma voiture. Pour vous dire que quand l'eau est haute, ça forme des inondations flambantes et des incendies d'eau impossibles à contrôler. Quand il neige par là-dessus, ça fait des chaos, elle gamme en plus de 3 pieds de bas. Rendu en haut de la côte, et avant de descendre, j'arrête mon cheval et je regarde la route. Presque en bas, il y avait un chaos effrayant. C'est égal, je lâche ma bête en me disant, je passerai bien. Mon cheval arrive à ce chaos, se jette dedans, et en essayant de remonter, il casse mon travail et il file comme s'il avait eu le feu au derrière. Moi, je tombe, je me défonce quasiment. J'ai sacré une escousse parce que je suis pas patient et je me suis rendu à pied jusqu'à la première maison. Attendez un peu et répondez à une autre question très importante. N'est-ce pas là que Ponce Pilate a perdu son bas de feu? Ouais, ça doit être là. En flattant la vanité des gens, on peut leur faire commettre les sottises les plus grandes possibles. Voyons un peu ce que nous avons fait en 2014. D'abord, du côté des mises en ligne hebdomadaires de production audio. Penchons-nous d'abord sur le Progrès de l'Est. Le 2 janvier, on diffusait la colonne 2 de la page 8 de l'édition du 8 septembre 1883. Nous commencions la mise en ligne de l'édition du 15 septembre 1883, le 20 février, que nous complétions le 10 juillet. Le 14 août suivant, début de la diffusion de l'édition du 22 septembre 1883, qui sera complétée le 11 décembre 2014. Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. C'est tellement fantastique de faire pour vous ces capsules nouveautés. Je le sais, je me répète, mais d'une fois à l'autre, je sais jamais si je vais finir par trouver quelque chose à dire de neuf ou si j'aurai assez d'inspiration pour vous parler de façon intéressante et cohérente au moins quelques minutes. Mais il y a comme un miracle qui s'opère dans les derniers jours, faisant que soudainement, tout prend forme. Je fais alors certaines recherches pour combler les trous de ma connaissance, mais je me retrouve chaque fois avec une profusion d'informations des plus intéressantes à vous communiquer. Et alors, ce n'est pas mieux d'avoir à sélectionner ce qui est le plus digne d'intérêt pour ne pas trop dépasser le temps qui m'est alloué. Ainsi, il y a 2 semaines, en faisant une nouvelle tournée sur la liste de Parlons Balado, afin de me ressourcer avec du nouveau matériel, j'ai eu le bonheur de renouer l'écoute d'une fantastique émission qui est surprenamment intéressante. Je ne sais pas pourquoi j'en avais malheureusement perdu la trace, probablement lors d'un mémorable crash d'ordinateur inopiné. Cette émission, méconnue du public en général, vous changera assurément de la geekitude des podcasts sur les jeux vidéo. Le plus sérieusement du monde, je vous invite tous à déclocher 2 heures avec Benoît Thérien et Francis Tremblay en écoutant TSQ Truck Stop Québec. De partout, il vous est possible de l'écouter. En direct, vous avez alors le choix entre l'application TuneIn et l'application du site Truck Stop Québec ou directement sur le site web. Du lundi au jeudi de 16h à 18h ainsi que le dimanche de 18h à 20h. Le site web première référence très réputée dans l'univers des camionneurs, et l'émission podcast qui roule plein gaz depuis 2007, a un truckload rempli à rabord de sujets, de discussions, d'histoires, d'entrevues, de dossiers, de trucs, etc., continuellement renouvelés. Seul au micro, échangeant entre eux ou avec divers intervenants, certains occasionnels et même des réguliers tels que Grincheux, qui étaient déjà sur la ligne ouverte quand je les écoutais il y a environ 5 ans. Vous n'êtes pas dans l'univers du camionnage, c'est pas grave, vous côtoyez ces mastodontes sur la route, chaque jour et même la nuit. Si vous l'écoutez en balado-diffusion, vous aurez le loisir de passer le condensé de publicité intimement lié au camionnage d'une durée de 10 minutes au début et avant la deuxième heure. Puis, vous serez assurément ravis pour le reste. Apprendre à connaître l'univers du camionnage est vraiment fascinant et les animateurs sont vraiment d'excellents communicateurs. Ils ont en effet beaucoup d'expérience, tant comme animateurs radio, mais aussi pour leur passion en tant que conducteurs de camions lourds. Qu'il s'agisse de forfaits cellulaires Canada-États-Unis, des regroupements locaux ou internationaux existant sur Internet, les médias sociaux, les conditions de travail, le fonctionnement des logbooks, comment soulager les maux de dos. Et le 30 septembre, il y a même eu une excellente entrevue avec Daniel Mascotti, fondateur de Radio H2O et hébergeur du podcast. Vous êtes personnellement en déplacement pour de longues distances à titre personnel, ne manquez pas les faits marquants journaliers sur la circulation, la météo et les temps d'attente aux divers postes frontaliers. Sérieux, faites l'écoute de quelques émissions, vous serez agréablement surpris. Dans ma recherche de nouveautés, toujours à partir de la liste de Parlons Balado, je me suis aussi mis à ausculter plusieurs productions de Choc.ca, la radio de l'Université du Québec à Montréal. J'écoute déjà régulièrement l'émission Le Septième Antiquaire depuis longtemps, et je m'attendais à y trouver plein d'émissions du genre culturel. Mais j'ai été à titre personnel franchement déçu de la programmation offerte. La plupart des émissions ressemblent à la radio étudiante comme je faisais au cégep, ce qui veut dire qu'on met des pièces de musique l'une en arrière de l'autre sans s'impliquer verbalement derrière le micro. Cependant, une émission, à date, a su attirer mon attention très positivement. Il s'agit de Micro-Cravate, une association sans but lucratif dont la principale vocation est la production de reportages ainsi que des créations sonores et radiophoniques en tout genre qui se promènent entre Bruxelles et Montréal. Réunissant pour la plupart d'anciens étudiants en journalisme, c'est aussi le partage des idées, la mise en commun du matériel nécessaire au projet de chacun et la diffusion de leurs productions via Internet. Les animateurs collaborateurs Jérémy Adouard, Pierre-Julien de Chassat, Éléonore Fedoul, Jacques Le Bourgeois, Anna Massé, Quentin Maillet, Gauthier Piatek, Sophie Poisson, Émilie Pomerleau, Thomas Vandenhouten, le dernier et non le moindre, Paul Venet. Que fait tout ce beau monde pour vous? Ils enregistrent des passants dans la rue, vous font des montages audio des plus pétés, concocte des interviews et des reportages. Aucune émission n'est pareille et d'un segment à l'autre, vous allez être totalement subjugué par leur diversité. Sur un même thème, mais dans un autre univers, j'ai rejoint la plateforme sociale Hello sous l'étiquette de Épicure Audio. Je profite de la mention en passant pour vous souligner que l'appellation Épicure Audio est aussi maintenant fonctionnel sous Twitter, Facebook et la famille Google dont Gmail et Google+. Retenez Épicure Audio tout en un mot. J'ai trouvé mon expérience sur Hello absolument enrichissante. Je l'ai toujours dit, je suis très différent des autres humains sur la Terre. il y a quelque temps, personne ne semblait avoir adhéré à Google+, et pourtant, pour moi, c'est ma source intarissable d'informations. J'ai toujours apprécié la simplicité de Google et, sous Hello, j'ai l'impression enfin de me retrouver chez moi. Il n'y a pas de mention j'aime ou plus un. Il faut écrire. L'obligation de l'instantanéité n'y est pas comme sur Twitter une priorité. Et on peut suivre qui on veut comme sur Google, à l'inverse de Facebook. Je m'y fais lentement des liens et découvre certaines personnalités qui se laissent à me parler. Ainsi donc, j'ai fait la rencontre de le M. Poirot, qui, de fil en aiguille, m'a appris qu'il avait ouvert le site « Une minute de son ». J'adore le concept. C'est une vieille idée qu'il avait sur le feu depuis 2-3 ans et qu'il a enfin mise en application. Cela vient du constat qu'on utilise beaucoup la photo et la vidéo sur Internet, mais que l'un de nos sens les plus sollicités, l'ouïe, n'est que peu présente. Il avait fait quelques enregistrements non diffusés avec son enregistreur MP3, Zoom, lui aussi, qui, sans faire de pub, m'a-t-il mentionné, est vraiment un bon appareil à un prix accessible. Mais depuis qu'il est passé à l'iPhone, c'est celui qu'il utilise pour sa captation. Il arrive que les gens se rendent compte qu'il a l'iPhone à la main, mais ils l'acceptent sans problème. Ils ne demandent aucune autorisation, non pas qu'ils soient contre, mais parce que ça casserait la spontanéité. Par contre, il lui arrive d'informer les gens après la captation et qu'ils leur fournissent le MP3 brut pour leur usage personnel. Comme vous l'avez compris, il enregistre de ci, de là, comme j'en ai moi aussi l'habitude, et publie de façon hors contexte une minute de ses échantillons. Sont publiés à ce jour un enregistrement au Festival des chanteurs de rue à Quintin, où une petite dame d'un âge avancé, Madeleine de la Cour, entonne la chanson de Lara, tirée de la bande originale du docteur Jivago. La seconde voix est celle d'un passant qui s'était joint à elle. C'est un très beau moment d'audio, je vous le dis. Il a aussi un enregistrement sur le marché de Lannion, près du stand des chatons adonnés, où une dame se met à raconter qu'elle a rêvé d'un lapin. On a aussi droit au bruit de l'océan, sur la plage de Perrault-Guirec, un autre enregistrement de chatons adonnés sur le coin du marché, où une dame donne un chaton, les gens discutent avec elle sur la place du marché. Et actuellement, le dernier en liste, le 18 octobre 2014, vers 11h du matin, sur un coin de la place Générale Leclerc, il a enregistré un accordéoniste occasionnel. Une minute de son, c'est un concept que je chéris personnellement. Pour accéder à ce site, 60 secondes pour les oreilles, en un mot, .tumblr.com. Voilà, c'est ce qui met fin à ce que j'avais à vous communiquer pour cette édition de ma capsule Nouveauté. Je vous reviens le mois prochain. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. Suite du retour sur l'année 2014. Toujours au niveau des mises en ligne audio hebdomadaires. En décembre 2013, nous avions débuté la mise en ligne des résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Le 9 janvier 2014, nous poursuivions avec la deuxième tranche des fascicules du cycle 1, cycle qui fut complété le 3 avril. Le 1er mai, nous commencions la diffusion du cycle 2, qui s'éclôt le 2 octobre dernier. Les éditions de l'avenir présentent un super cadeau, une nouvelle de Silverson. Papa, il a connu la France. Il a même connu la vie en dehors des dômes. En fait, J'ai signé la même année que la catastrophe. J'ai pas bien compris, mais en fait, cette année-là, c'était l'année 62. Il y a une tête nucléaire qui a explosé en Arabie ou Saoudite, et tous les pays qui avaient aussi une grosse tête comme celle qui a explosé, bah, ils les ont fait aussi exploser. Pas chez eux, parce que sinon ils auraient été morts, mais chez leurs voisins. Du coup, toute la Terre est devenue jaune à cause des têtes. Papa dit que j'avais 3 mois quand c'est arrivé. Lui et moi, on était dans l'île à la maison, et maman et mienne, parce que quelqu'un de sa famille était morte. Du coup, maman est morte aussi, mais pas papa et moi. Dans une semaine, ça veut dire 7 jours, on fête Noël et je suis trop contente. Tous les gens du dôme mettent des guirlandes. Au fond, ça change pas grand-chose à ce qu'on voit d'habitude, des grandes lampes sur les toits. Mais bon, les gens disent que c'était une tradition avant la catastrophe. Papa m'a demandé ce que je voulais comme cadeau. Je lui ai dit que je voulais aller jouer dehors, mais papa n'a pas voulu. Quoi ? C'est hors de question. C'est que j'aimerais tant jouer dehors, comme dans les films qu'on voit. Mais papa me dit toujours... C'était avant, c'est plus possible maintenant, ma chérie. C'est plus possible. Eh ben, ils avaient qu'à pas faire leur grosse tête nucléaire, alors moi, je vais aller jouer dehors et j'irai. Gré, le grand frère d'Irzika, la copine de classe dont le père travaille à l'entretien du dôme, m'a dit qu'il y avait un moyen de sortir. Il me le dira si je suis d'accord pour qu'il me touche la zézette. Je sais pas si c'est bien, mais si papa ne dit rien, j'ai accepté. Cré est un gros dégueulasse. Il a voulu me toucher la zézette avec son zizi. J'ai dit que je voulais d'abord le moyen de sortir, et il a dit plus tard. J'ai eu peur et je me suis enfuie. En fait, je suis sûre qu'il ne savait rien et qu'il voulait juste me toucher. Après, j'ai vu Irzika et elle m'a demandé comment ça s'était passé avec son frère. J'ai pas voulu le lui dire, alors j'ai inventé qu'il n'avait pas assez un plan des passages secrets, comme dans un château. Papa, il a appris d'Irzika que... Gré a voulu te violer? Il m'a dit qu'il fallait jamais que j'accepte ce qu'il voulait me faire, et qu'il faudra que je sois adulte pour que je comprenne. Oui, mais lui, il est adulte, et il comprend pas que je vais aller dehors. Mais c'est pas pareil, et puis on peut pas, c'est tout. Ma fille chérie, ce sont des scientifiques qui prennent des mesures. Ils ont un ordre de mission. Ah ouais ? Eh bien moi aussi je veux un ordre de mission. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir le père d'Irzika, et je lui ai dit que je voulais aller dehors et que j'aimerais bien que Noël, il me ramène comme cadeau un ordre de mission. Le papa d'Irzika, il a d'abord parlé de Gré, qu'il était désolé, puis il a dit qu'il parlera à papa Noël. Pourquoi les adultes, ils peuvent parler à leur papa Noël et pas les enfants? Je parle bien à mon papa, moi, même s'il n'est pas Noël. J'aimerais tellement être adulte et scientifique. Papa et le papa d'Irzika, ils sont en train de discuter. J'ai joué à Wong Chui dans la chambre quand je les ai entendus. J'ai baissé le son et j'ai ouvert la porte sans bruit. J'ai cru entendre Noël, mission, ma fille. Mais je ne suis pas sûre. Au fond de moi, j'espère qu'ils parlent de m'offrir comme cadeau de Noël un ordre de mission pour sortir. D'ailleurs, Noël, c'est pas demain, mais le jour d'après. J'ai trop hâte. C'est Noël! La lampe est recouverte de fausses branches d'arbres. C'est la tradition. Je vais ouvrir mon cadeau. Il est bien petit. C'est une enveloppe. Je suis sûre que c'est une ordre de mission pour aller dehors avec les scientifiques. Papa sourit. Je l'ouvre. C'est une photo et une lettre. C'est ça, un ordre de mission? Je regarde la photo. C'est maman avec papa et moi. Au fond, il y a une maison avec des grandes vitres colorées. Papa me dit... C'est ta mère et nous avant. Sur la lettre, papa dit que... C'est maman qui l'avait écrite. Je me mets à rire et à pleurer. C'est pas une ordre de mission, mais c'est un super cadeau quand même. J'ai 23 ans. J'ai eu mon diplôme de physique nucléaire de la France. Demain, je vais sortir pour une mission des plus importantes. Planter une graine dans le sol. J'ai trop hâte, mais demain est un autre jour. Aujourd'hui, c'est Noël et papa, sa nouvelle femme, Moi et mon fiancé sommes devant un vrai sapin. On va bientôt déballer les cadeaux. Je suis sûre que la petite enveloppe qui m'est destinée est une ordre de mission. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté un super cadeau écrit et réalisé par Silverson avec Mooney dans le rôle de la fillette et Blast dans le rôle du père. La musique et les effets sonores sont tirés de soundfishing.net. Le nom d'Irzika est une référence au jeu vidéo amateur Idemphia. Cette version audio est diffusée sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Suite du retour sur l'année 2014. Toujours au niveau des mises en ligne audio hebdomadaires. Le 16 janvier, nous commencions une folle entreprise. Une version audio des Relations des Jésuites. Ainsi était diffusé un premier volet de la relation de 1611 du Père Biard, le 16 janvier, qui fut divisé en 12 parties, vu sa longueur, et qui se conclura au cours de décembre. Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'émission des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 34. Quel profit a été fait quant à la religion chrétienne en la Nouvelle-France? Maintenant, quelqu'un, ayant troué tout notre récit, à bon droit nous dira. Or, voilà beaucoup de travaux que vous nous avez comptés, plusieurs entreprises louables et divers accidents bien sauvages. Mais quoi? Est-ce là tout le profit quant à l'avancement du culte de Dieu? N'avez-vous couru que pour ainsi vous lasser? Dépendu que pour consumer? Pâti, sinon, pour encore par-dessus être diffamé en France? Car, si Canada ne rend point autre revenu, nous vous dirons qu'aucun, s'il n'est folle, ne travaille pour seulement pâtir et ne dépend pour seulement s'épuiser. Ainsi a très bien dit le cet apôtre, que qui laboure, c'est en espérance de recueillir du fruit. Quel fruit donc nous apportez-vous de vos travaux? À cela, je réponds que partout, et aussi bien en France qu'en Canada, il faut semer avant que moissonner, et planter avant que recueillir, et ne point en être ou avare ou impatient, qu'on veuille, comme les usuriers, aussitôt le profit que le prêt. Combien que, certes, au service de Dieu, il n'y aurait que dépenses et travaux, elles ont de soi-même assez grand émolument et salaire, non déjà pour être dépensés et travaux, ainsi pour être preuve et exercice de notre devoir et pieuse volonté envers notre libéral donateur de toutes choses, notre Dieu Tout-Puissant. Car il ne prise pas ni n'estime nos conseils et desseins à la balance et au poids des événements qui sont en sa main et ordonnance, ainsi à la solidarité de notre vouloir, à la massivité de l'entreprise, à l'intégrité de la dévotion et délibération. Il dispose les événements comme il lui plaît, les rendant souvent plus heureux et plus fructueux que moins on les reconnaît pour cela. Car celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, ainsi celui qui donne l'accroissement. Lequel accroissement se fait premièrement sous terre et hors la vue des hommes. Quant à moi, j'estime très grand profit en ce que nous avons toujours mieux et mieux découvert le naturel de ces terres et pays, la disposition des habitants, le moyen de les pouvoir aider, les contrariétés qui peuvent survenir au progrès de l'œuvre, et les secours qu'il faut opposer à l'ennemi. L'architecte, qui fait et défait ses plans et modèles jusqu'à la 5e et 6e fois, ne se pense pas pour cela avoir rien fait en ce premier et second essai, lesquels il aura défait pour s'arrêter au 6e. Parce que, dira-t-il, ce dernier n'a sa perfection que de l'imperfection des premiers. De même, en est-il de l'orateur, qui efface et raie deux ou trois fois ce qu'il avait écrit du premier ardeur, parce que la beauté et force des concepts et paroles, qu'il substitue pour la quatrième fois, lui naît de la réjection et du déplaisir des précédentes. Ainsi, de vrai, ce n'est pas autrement que Dieu nous donne pour l'ordinaire la prudence et l'améliorement des choses, sinon par diverses expériences, et pour la plupart de nos fautes et de celles d'autrui. Suite du retour sur l'année 2014. Toujours au niveau des mises en ligne audio hebdomadaires. En 2014, nous avons poursuivi la mise en ligne des versions audio des nouvelles tirées du recueil d'Edgar Poe, Nouvelles histoires extraordinaires. Ainsi, le 6 février, nous diffusions Conversation des Rosses avec Charmion, interprétée par Gabriel Jean. Ombre, rendue par Silverson, suivait en mars. Colloque entre Monos et Una, qui me revenait, fut mise en ligne à la fin avril. Puis, ce fut L'île de la fée, interprétée par Armen, le 15 mai. Diffusion de l'interprétation de Cécile Bramafa de Hop Frog, le 3 juillet. Joanne nous offrait Quatre bêtes en une, en août, suivi par Silence, rendu par Eglantine en septembre. En octobre, Jean-Seb interprétait Petite discussion avec une momie, pour un total de 8 nouvelles. Il en reste encore quelques-unes pour compléter le recueil qu'on s'efforcera de réaliser au cours de 2015. Je vis tout cela indistinctement et non sans effort, car ma situation physique avait singulièrement changé pendant mon sommeil. J'étais maintenant couché sur le dos, tout de mon long, sur une espèce de charpente de bois très basse. J'y étais solidement attaché, avec une longue bande qui ressemblait à une sangle. Elle s'enroulait plusieurs fois autour de mes membres et de mon corps, ne laissant de liberté qu'à ma tête et à mon bras gauche. Mais encore me fallait-il faire un effort des plus pénibles pour me procurer la nourriture contenue dans un plat de terre posé à côté de moi sur le sol. Je m'aperçus avec terreur que la cruche avait été enlevée. Je dis avec terreur, car j'étais dévoré d'une intolérable soif. Il me sembla qu'il entrait dans le plan de mes bourreaux d'exaspérer cette soif. Car la nourriture contenue dans le plat était une viande cruellement assaisonnée. Je levai les yeux et j'examinai le plafond de la prison. Il était à une hauteur de 30 ou 40 pieds. Et par sa construction, il ressemblait beaucoup aux murs latéraux. Dans un de ces panneaux, une figure des plus singulières fixa toute mon attention. C'était la figure peinte du temps, comme il est représenté d'ordinaire, sauf qu'au lieu d'une faux, il tenait un objet qu'au premier coup d'œil je pris pour l'image peinte d'un énorme pendule, comme on en voit dans les horloges antiques. Il y avait néanmoins dans l'aspect de cette machine quelque chose qui me fit la regarder avec plus d'attention. Comme je l'observais directement, les yeux en l'air, car elle était placée juste au-dessus de moi, je crus la voir remuer. Un instant après, mon idée était confirmée. Son balancement était court et naturellement très lent. Je l'épiai pendant quelques minutes, non sans une certaine défiance, mais surtout avec étonnement. Fatigué à la longue de surveiller son mouvement fastidieux, je tournai mes yeux vers les autres objets de la cellule. Un léger bruit attira mon attention, et regardant le sol, je vis quelques rats énormes qui le traversaient. Ils étaient sortis par le puits, que je pouvais apercevoir à ma droite. Au même instant, comme je les regardais, ils montèrent par troupes, en toute hâte, avec des yeux voraces, affriandés par le fumet de la viande. Il me fallait beaucoup d'efforts et d'attention pour les en écarter. Il pouvait bien s'être écoulé une demi-heure, peut-être même une heure, car je ne pouvais mesurer le temps que très imparfaitement, quand je levai de nouveau les yeux au-dessus de moi. Que je vis alors me confondit et me stupéfia. le parcours du pendule s'était accru presque d'un yard. Sa vélocité, conséquence naturelle, était aussi beaucoup plus grande. Mais ce qui me troubla principalement fut l'idée qu'il était visiblement descendu. J'observai alors, avec quel effroi il est inutile de le dire, que son extrémité inférieure était formée d'un croissant d'acier étincelant, ayant environ un pied de long d'une corne à l'autre. Les cornes dirigées en haut, et le tranchant inférieur évidemment affilé comme celui d'un rasoir. Suite du retour sur l'année 2014, toujours au niveau des mises en ligne audio hebdomadaires. Nous avons présenté quelques contes du Pays Gallo au cours de l'année. D'abord, L'Oiseau du Roi, le 30 janvier, La Dame au Château aux quatre piliers d'or en mai, La Fée des Houx en juillet et La Marquise à la Baguette en octobre. Nous avons complété les mises en ligne hebdomadaires par 4 épisodes du PC Show avec Paul Courtemèche, soit l'épisode numéro 15, le 27 mars, intitulé « Paf » avec Mooney comme artiste invité. Retour de Mooney dans l'épisode numéro 16, « Deux harpies », diffusé le 26 juin. L'épisode 17, intitulé « Joue donc pardi », fut mis en ligne le 25 septembre. Et l'épisode 18, qui est prévu pour le 18 décembre. Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Et remords de remords. Me voici prêt avec une portée de minet sur les bras. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir en faire? Tout ça, c'est de ta faute, Picard. Si tu t'étais retenu un peu, on n'en serait pas là. Oh, ça va, mon très cher monsieur? Vous êtes entier? Vous le voyez bien, témoin? Pieux. En apercevant votre voisine du tissu s'éloigner, j'ai craint le pire. Que voulait-elle? Me larguer ça. Oh! Des chatons! Qu'ils sont mignons! Vous les voulez? Pardon? Je vous demandais si vous les vouliez, témoin. C'est que... je ne peux pas, mon très cher monsieur. C'est contre ma religion. Allons donc. Puisque je vous dis... Mais enfin... Malvina ne veut pas. Un point, c'est tout. Vénantus. Je sens que ce ne sera pas simple de me défaire de ces minets. Words of my tune. suite du retour sur l'année 2014. Du côté du podcast, nous aurons, à la fin de l'année, diffusé 12 émissions régulières et possiblement 5 émissions hors série. Je rappelle que les émissions régulières ont été mises en ligne chaque premier lundi du mois. Ainsi, en janvier, nous complétions l'aventure de l'Estrade d'agent très spécial, présentions La Terre promise, une de mes nouvelles de science-fiction, l'anecdote d'Aristide Filiatro et la capsule de Jean Seb. Jean Seb, un habitué, revient dans presque toutes nos émissions. C'est en janvier aussi que nous arrivions chez Radio H2O. L'émission de février offrait la première partie de la troisième aventure de Mazas Pavel, Un monde en héritage, par André Bory, que nous avons complété dans l'émission de novembre 2014. Présentée également, la première partie d'une entrevue réalisée avec l'auteur de Mazas Pavel et sa compagne, qui sera conclue dans l'émission d'avril. Outre la suite de l'aventure de Mazas Pavel, la capsule de Jean Seb et l'anecdote de Filiatro, l'émission de mai présentait une entrevue réalisée avec Greg Silverson. Aux rubriques régulières s'est ajouté en juin un extrait du Progrès de l'Est. L'émission de juillet présentait les rubriques habituelles, auxquelles s'ajoutait la première partie d'une table ronde intitulée « Nahuel Buck, de l'écrit à l'écran » avec John Lang, l'auteur du Donjon de Nahuel Buck, Jean-Luc Rivera et le directeur d'écriture de chez Nomad Film. Elle sera conclue dans l'émission de novembre. En octobre, l'émission présentait une nouvelle entrevue réalisée avec André Bory, de passage à la maison, et une autre avec l'auteur Mario Fecto. C'est en septembre que j'ai débuté la mise en ligne des émissions hors-série du podcast. À ce moment-ci, nous avons diffusé une hors-série classique consacrée à Arthur Conan Doyle et trois hors-séries historiques qui présentent en feuilleton l'histoire du village de Saint-Camille en Estrie où sont nés mon grand-père et mon arrière-grand-père paternel. Ce à quoi s'ajoute à chaque émission une page historique tirée du Progrès de l'Est et une page généalogique. Tiré du Progrès de l'Est, journal de Sherbrooke au Québec, nous nous intéressons aujourd'hui au patronyme Blanchard, que j'ai rencontré trois fois à ce jour en réalisant la version audio du périodique. La première fois, c'est dans la rubrique « Naissance et décès » de l'édition du 1er septembre 1883. On mentionne l'épouse de M. Victor Blanchard. Décès. À Saint-Hyacinthe le Confesseur, le 19 du courant, est décédée Angélique Nadeau, épouse de M. Victor Blanchard, à l'âge de 28 ans. Les deux fois suivantes, j'ai rencontré le patronyme Blanchard dans l'édition du 15 septembre 1883. D'abord, dans la missive en provenance de Southbridge, au Massachusetts, dans laquelle on mentionne J.D. Blanchard. Monsieur le rédacteur, soyez assez bon, s'il vous plaît, d'insérer ce qui suit dans les colonnes de votre intéressant journal. Lundi, 3 septembre, avaient lieu les élections du Cercle canadien de Southbridge. Les officiers dont les noms suivent furent élus. Président, Horace Dessel. Vice-président, Anatole Caron. Secrétaire archiviste et correcteur, Charles Giard. Assistant documentaliste, Arthur Marcotte. Trésorier, J.D. Blanchard. Collecteur, Alfred Galipeau. Bibliothécaire, Félix Gatineau. Commun ordonnateur, Ella Robillard. Directeur, Docteur J. A. Robillard. Avant l'ajournement, il a été proposé et adopté à l'unanimité qu'un vote de remerciement soit offert au propriétaire du Courrier de Worcester, de l'Étendard, Montréal, du Jean-Baptiste, Northampton, et de l'Abeille, Lowell, pour l'envoi gratuit de leurs journaux. Charles Giard, secrétaire. Puis, dans la rubrique « Naissance et mariage », dans laquelle est mentionné Frank S. Blanchard. Naissance. À Worcester, Massachusetts, le 11 septembre courant, l'épouse de M. Frank S. Blanchard, une fille. Suite du retour sur l'année 2014. Tout au long de l'année, j'ai relevé régulièrement les statistiques de téléchargement de nos productions audio. En voici les faits saillants. En janvier, Les filles de Masca, une anecdote d'Aristide Filiatro, s'inscrivaient au tableau en franchissant les 500 téléchargements. Au même moment, les résumés Perry Rodden, rédigés par Michel Van Rue, dépassaient les 1000 téléchargements, et les épisodes du PC Show avec Paul Courtemèche fracassaient les 7000 téléchargements. En février, on voyait « Copier-coller » de Quillage et Anox franchir les 2000 téléchargements, alors que « Mazas Pavel, agent de l'OMU », la première aventure de l'héroïne d'André Bory, comptait plus de 8000 téléchargements. En mars, ce sont deux autres de nos productions qui ajoutaient leur pierre blanche. Les contes du Pays Gallo dépassaient les 2000 téléchargements et « L'Estrade, agent très spécial, bousculait les 5000 téléchargements. En mai, on découvrait que notre version de Le mystère de la chambre jaune avait fracassé les 9000 téléchargements, que la troisième aventure de Mazas Pavel, Un monde en héritage, avait franchi les 6000 téléchargements et que les résumés Perry Rodden avaient atteint les 2000 téléchargements. Les statistiques de juillet montraient que les épisodes du PC Show avaient pas eu de courte mèche avait désormais dépassé les 8000 téléchargements. En août, je constatais que La Terre promise, une de mes nouvelles de science-fiction, avait atteint les 3000 téléchargements, et que le mini-recueil d'Aristide Filiatro, contenant entre autres La culotte à Baptiste, avait dépassé les 6000 téléchargements. Je constatais en septembre que les résumés Perry Rodden marchaient plutôt bien, puisqu'ils avaient franchi une nouvelle étape. Ils franchissaient en effet 3000 téléchargements. En octobre, une autre anecdote d'Aristide Filiatro, Le petit taureau croisé, s'ajoutait au tableau. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'avenir présentent Le petit taureau croisé. Jusqu'on appelle un habitant, demeure à Saint-Vaud-la-Chigan, demeure à Saint-Vaud-la-Chigan. Chaque semaine, je vous l'assure, viens avec ma voiture, vends des pétacles, c'est mon métier, à la plage au quartier. Un brave cultivateur demeurant dans l'un des grands comtés de l'Est désirait améliorer son stock de bétail qui était devenu fort dégénéré. Il s'en alla trouver un grand éleveur des environs. Celui-ci était un Anglais qui ne parlait pas le français. Baptiste, lui, ne connaissait pas l'anglais. En revanche, tous les deux se comprenaient bien. À son arrivée, l'éleveur reçut Baptiste avec la plus grande cordialité, en lui demandant des nouvelles de sa famille et en le félicitant sur sa bonne apparence et l'état merveilleux de sa santé. Pour répondre à cette politesse, Baptiste se confondit en remerciements et finit par cette phrase. « Ben, je vais vous dire... Je suis bien content de voir l'intérêt que vous me portez, mais c'est pas ça qui m'amène. Well, Baptiste, all right. Speak out and let me know what you want this morning. Ben, voilà ce que c'est. Mon bétail est d'assez bonne race, mais depuis quelques années, il s'est détérioré et je voudrais bien le ravigoter un peu. Pour ça, il me faudrait un petit taureau de bonne race. That's all you want? Why, dear man alive, there's nothing easier. There are plenty of them in the field yonder. You have only to pick out your choice. Ben, il y en a un dans le coin là-bas qui ferait bien mon affaire, je pense. Il m'a l'air fringant, puis il est bien fait. No good for you. Pourquoi ça? When I tell you he is no good, I know what I say. I do not want to cheat you. That is why I tell you the beast is no good. Encore, il y a peut-être bien moyen de savoir pourquoi? Oh, certainly. It is because the animal is crossed. Ah, ben, dans ce cas-là, j'en veux pas. Un remerciement tout spécial à David Lawrence pour avoir prêté sa voix à notre éleveur anglophone. My thanks to David Lawrence for his help on this one. Suite du retour sur l'année 2014. J'ai été tranquille au volet littéraire. Une seule publication. En effet, en avril, je faisais paraître la version e-book de la première aventure de Carlino V, Complot sur Alpa. Sans plus. Et ainsi se termine ce retour sur 2014. Et ainsi se termine cette 26e émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'avenir. N'oubliez pas que vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher et chez Radio H2O. Vous pouvez nous trouver sur Twitter et sur Google+. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci de votre attention. À bientôt.